Ralph Lauren en Austin longe la scène et nous font des signes. Là, les capuches dandy en galerie marchande, rêvant de grosses limousines allemandes, même si c'est le même soleil. C'est pas du tout, du tout pareil. Ici et là, ici et là. Tu sautes des rives, allez. L'escalator est en bas, on tourne dans la zup. Fantin, la tour et la gare, allez va au musée. En bas d'un tour, y'a deux gars, allez va t'amuser. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout, du tout pareil. Ici et là, sa peau, du sourire sur marchait. Elle n'était pas plus haute qu'un basset, mais elle chaussait du 49. Elle avait des cheveux jaunes d'œuf, des baskets roses, des petits mollets et l'œil d'un bœuf. Du haut du ring, elle paradait, mais quand le public la sifflait, toute grise d'or et l'air mauvais, elle rugissait. Elle est vraiment champion, c'est un lion. Quand les nanas d'en face attaquaient, deux coups dans la calebasse les stoppaient. Alors Nini poussait son cri, un peu de brushing, une mise en pied, un coup de savate dans le bikini. Service compris. Et hop, la nana s'envolait, elle décollait comme une fusée. Trois tours en l'air. Rectifié. Nelly Bonbon, c'était pas bidon, c'était du béton. Nelly Bonbon, c'était le tonnerre, un vrai bulldozer. Quand elle tapait dans le tas, c'était la Pérégina. On disait, elle est vraiment champion, c'est un lion. Elle est tombée sur un vrai dragon qui l'a tordu comme un polochon. Qui lui a fait les yeux bridés, les pieds panés, la tête carrée. Elle était grosse qu'il lessivait quand la foule a crié chiquet, dégonflé. Alors Nini piqué au vif a pris la nana par le pif. Un coup de battoir dans le buffet, elle l'a plumé comme un poulet. Ça ha ha ha ha hurlé. Arc-en-ciel, un amour de SM.

arc-en-ciel, un amour de FM.

condamnée à choisir un camp. Ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La mer c'est qu'une mine forte. T'as que je t'aime. Tu ne m'as pas manqué. Je t'aime. Radio Arc-en-Ciel. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots de tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas. amoureux perdus. Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Amis non, ni amants, étrangers non. Quand tu danses, quand tu danses, mais quel après, après s'être appartenu. Quand tu danses, y songes-tu? Quand tu danses, y songes-tu? Bien que j'aurais besoin de te voir quand tu danses, quand tu danses, sans te parler ni déranger, mais te voir quand tu danses, y songes-tu? Tu danses, y songes-tu? Et toutes les peines, toutes, contre une seule de nos minutes, mais n'être plus rien après tant. don't mean a thing. Me want to give you my everything. Bum bum. She's not a funny number game. Bum bum. She never showed me with it. Bum bum. She's not a funny number game. Bum bum. She never showed me with it. Hey.

C'est par la bouche qu'on exprime, en vers, en prose ou en rime, qu'on prend position parfois, qu'on revendique ses droits. C'est par la bouche qu'on tue, parfois bien pire que les coups. Des mots peuvent être si pointus qu'ils crucifient même les clous. Bate forte o tambor, eu quero tiqui tiqui tiqui tiqui tá. É nessa dança que meu pai balança e o pavão de fora

tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. cara. Só penso em ti, em ser muito amada. Chego à noite e dou por mim a pensar. É com ele que eu quero estar. És o meu sol, és a minha lua. Faz o sinal e eu serei sempre tua. Casa comigo, meu bem, casa comigo. Leva-me ao céu, faz o que quiser a mim.

pour que t'es calé. Alors que tout est là, Miami dominé en bas.

Arc-en-ciel, un amour de FM. Danse avec moi. chez toi, tu me ramènes. En ouvrant bien grand les yeux, accroche-toi, fais au mieux. Reste honnête et audacieux. Mais les voiles, on voit les pêtres de ces gens trop orgueilleux. Entends-tu la mélodie qui fait danser ta vie? Attrape-la, saisis-la. Vas-y, danse, à tout va. Entends-tu cette symphonie donner naissance à tes envies? Attrape-la, garde-la. Vas-y, danse avec moi. Thank you. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay. sais qu'on est prête. Et y'a personne qui va déranger. Je te jure, top modèle, yeah. Des bonbons, des fusils, yeah. On est belle, beau comme des billets. Italienne comme en série, yeah. On a mis du temps, on est élégant. Notre esprit est ailleurs. On a mis du temps, on a mis les gants. On va foutre le fire. Hasta luego, salam aleikum. Chao, sayonara. estoy sufriendo con legialas de mi amor. Baila con la típica. Yeah.

We'll be right back. bother you. Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. How old are you? Yeah.

Lembra-te de mim, Rui Veloso e os HMB na tarde da RDP Internacional. Hora certa, notícias às 4 da tarde. Depois regressamos para a terceira parte da tarde da RDP Internacional. Hoje é terça-feira, é dia de Meus Direitos com Graça Cabral e Isabel Flora. Como podemos poupar o consumo de gás e assim pagar menos? É o grande conselho que vamos ouvir depois das 4 da tarde. No céu cinzento sou o astro-muro, batendo as asas para a noite calada. Vem bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manhã. Se alguém se engana com o seu ar sisudo, e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre das esponjas antigas, mas nada os prende às vidas acabadas. Mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei. Enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com o seu ar sisudo, eles franqueiam as portas à chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Internacional. Longe da vista.